بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre. الحمد لله. On commence inshallah ta'ala un chapitre dans Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. On a vu précédemment plusieurs chapitres concernant donc le Tawhid, le danger du polythéisme, etc. Et l'auteur il nous a aussi cité le fait que la sorcellerie fait partie du polythéisme. Et là maintenant, on rentre dans un autre sujet. L'auteur maintenant, il va nous citer plusieurs chapitres qui abordent des sujets que souvent les gens vont négliger. Quels sont ces sujets? Les actes d'adoration du cœur. Les actes d'adoration du cœur. Et donc les gens, souvent, ils pensent que l'acte d'adoration, c'est juste l'acte d'adoration du membre, des membres. C'est-à-dire le fait de se prosterner pour un tel, ou le fait de faire un acte d'adoration, du moins avec nos membres, pour autre que Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais on oublie l'adoration du cœur. Le fait que le cœur aussi a ses actes d'adoration. Même si cela n'est parfois pas apparent sur les membres. Et donc, il est important qu'on apprenne quels sont les actes d'adoration du cœur. Il nous dit l'auteur rahimahullah, Babu qawlillahi ta'ala, le chapitre concernant la parole d'Allah le Très-Haut. ومن الناس من يتخذ من دون الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Et parmi les gens, il y en a qui prennent des idoles qui prennent des idoles en dehors d'Allah qu'ils vont aimer comme on aime Allah. Ils vont les aimer comme l'amour d'Allah. Et donc on voit dans ce titre qu'a choisi l'auteur, on voit, barakallahu fikoum, un point important, c'est que l'amour, c'est la base de la religion. L'amour, c'est la base de la religion. Le fait que tu dois aimer Allah, tabaraka wa ta'ala, et que tu dois l'aimer plus que l'autre, plus que toute autre chose, et c'est ce qu'on verra dans ce chapitre, bi'idnillahi ta'ala. Et on voit clairement, dans le titre que l'auteur a choisi, on voit que l'amour fait partie des actes d'adoration du cœur. Et donc de la même façon que dans les actes d'adoration des membres, on doit accorder à Allah un culte exclusif, mais aussi pour le cœur, nous devons accorder à Allah tabaraka wa ta'ala un culte exclusif. Alors maintenant, quel est le sens du verset que l'auteur a cité ? Yuhibbunahum kahubbillah. Et donc ces gens, ils aiment leurs idoles comme Allah tabaraka wa ta'ala. Que dire, barakallahu fikoum les frères, Allah tabaraka wa ta'ala, ici il blâme ces gens-là. Il blâme des gens qui vont aimer des créatures autant qu'Allah. Que dire de ceux qui vont aimer leur cher, aimer un autre plus que Allah encore? C'est encore plus grave. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on comprenne que seul Allah, tabaraka wa ta'ala, a le droit et mérite qu'on l'aime de manière absolue. L'amour absolu n'est que pour Allah tabaraka wa ta'ala. Oui, tu as le droit d'aimer des créatures. Il est bien d'ailleurs que tu aimes ton épouse, que tu aimes tes enfants, que tu aimes tes frères. Nous devons nous aimer mutuellement. Voilà pourquoi on doit délaisser les conflits, les causes de conflits. Puisque si on veut rentrer au paradis, on doit s'aimer. On ne peut pas rentrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: vous ne rentrerez pas au paradis tant que vous n'aurez pas la foi. Et vous n'aurez pas la foi tant que vous n'allez pas vous aimer mutuellement. Et donc on veut entrer au paradis, il faut qu'on ait la foi. On veut avoir la foi, il faut qu'on s'aime mutuellement. Donc on délaisse les conflits. Et donc on peut s'aimer, oui, on doit s'aimer. Mais l'amour absolu n'est que pour Allah tabaraka wa ta'ala. Par contre, l'amour de la créature, tu vas aimer la créature quand cette créature t'aide dans l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si cette créature t'aide à te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors tu l'aimes. Par contre, si cette créature t'éloigne de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors c'est un amour qui est néfaste. C'est un amour qui est néfaste. Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset, il nous dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Par contre, ceux qui aiment, qui ont la foi, ceux qui ont cru, aiment plus Allah. Les savants, ils ont cité deux explications ici, en tafsir. Ici, le cheikh Obeid al-Jabiri, il cite cela dans son explication. Il y a deux explications. Qu'est-ce qui est voulu par cette parole? Et ceux qui ont cru aiment plus Allah. La première explication, c'est que ceux qui ont cru aiment plus Allah que les polythéistes aiment Allah. Donc ceux qui ont cru aiment Allah plus que les polythéistes. Puisque les polythéistes, ils vont aussi avoir un amour pour Allah. On va voir les chrétiens. Les chrétiens, ils vont avoir un amour pour le Créateur, qu'ils appellent le Père, Dieu. Ce qui est voulu par là, c'est Allah. Mais ils vont plus aimer, ou alors ils vont aimer Jésus autant qu'ils aiment Dieu. Les musulmans, eux, ils aiment Allah, tabaraka wa ta'ala, plus que les polythéistes n'aiment Allah. Pourquoi? Parce que l'amour des musulmans pour Allah est un amour spécifique. C'est un amour, ils n'aiment que Allah, tabaraka wa ta'ala. Tandis que les polythéistes, c'est un amour qui est partagé en plusieurs divinités. Ils vont aimer le Créateur, ce qui est voulu donc c'est Allah. Ils vont aimer Jésus, ils vont aimer le Saint-Esprit, la Vierge Marie et toutes leurs autres divinités. Et donc c'est un amour qui est partagé. Tandis que les musulmans, eux, ils ne vont aimer que Allah, tabaraka wa ta'ala, l'amour absolu. La deuxième explication de ce verset, « وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ » et ceux qui ont cru aiment plus Allah. C'est-à-dire que ceux qui ont cru, ils aiment encore plus Allah que les polythéistes n'aiment leur divinité. Ça veut dire que les polythéistes, ils vont aimer leur divinité en dehors d'Allah. Les musulmans, eux, ils vont aimer Allah, mais encore plus que les polythéistes n'aiment les autres divinités en dehors d'Allah. Donc, dans les deux cas, barakallahu fik, les croyants, ceux qui ont eu la foi, aiment le plus Allah. Et certains gens de science ici vont favoriser une explication à une autre. Mais on a déjà vu dans la science du tafsir qu'il y a parfois plusieurs avis sur un même verset et qu'en réalité, lorsqu'il n'y a pas d'opposition, de contradiction entre les deux avis, alors nous pouvons dire que les deux avis sont corrects, comme c'est le cas ici. Il n'y a pas de réelle opposition, de contradiction. Et donc les deux avis sont corrects. Bi'idhnillahi ta'ala. Et donc, ensuite, l'auteur qui nous cite un autre verset, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. دي si vos parents, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos proches, les biens que vous avez gagné ou alors un commerce dont vous craignez sa perte et des demeures que vous aimez, si tout cela est plus aimé pour vous qu'Allah et son messager, et le fait donc de combattre sur son sentier, alors attendez jusqu'à ce que Allah vienne avec son ordre. Et certes, Allah ne guide pas le peuple fasiqoun, le peuple al-fasiqin, donc ici, c'est-à-dire, il ne guide pas les gens qui transgressent, les grands pécheurs. Et donc, ce qu'on doit comprendre de ce verset, barakallahu fikoum, mes frères, c'est ici, encore une fois, le fait qu'on doit aimer Allah et son messager plus que toute autre chose. Et que tu ne peux pas aimer plus un être humain, que ce soit ton père, ta mère, ton fils, ta fille, ton frère, ta sœur, ton meilleur ami, qui que ce soit, tu ne peux pas les aimer plus qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Le travail que tu fais, tu ne peux pas l'aimer plus qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, il est important qu'on comprenne que l'amour qu'on doit mettre en avant, c'est l'amour d'Allah. Et si tous les autres éléments qui ont été cités, que ce soit le commerce, l'argent que tu as, le travail que tu as, l'amour, la femme, tout cela, s'il y a un élément parmi ceux-ci qui s'oppose à l'amour d'Allah, c'est-à-dire qui va t'éloigner de l'amour d'Allah par la désobéissance à Allah, alors tu dois corriger cela. Parce que c'est Allah que tu aimes le plus. Et le fait d'aimer plus Allah, ça va te pousser, ça fait que tu vas obéir à Allah, même si cela va entraîner que des créatures ne soient pas satisfaites. Parce que tu ne peux pas désobéir aux créatures. Tu ne peux pas obéir aux créatures dans la désobéissance à Allah, ton Créateur. Le prophète nous dit, « La ta'ata li makhlouq fi ma'siyat al-khaliq. » On n'obéit pas à la créature dans la désobéissance au Créateur. Et en fait, cette obéissance, elle est basée sur l'amour. Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est celui que tu aimes le plus. Tu ne vas pas faire prévaloir l'amour de la satisfaction d'une créature au-dessus de l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il y a aussi dans ce verset le fait que celui qui fait cela, qui fait prévaloir un élément mondain, une créature, à l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui-ci encourt une grande sanction. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri. Alors attendez jusqu'à ce qu'Allah vienne avec son ordre, c'est-à-dire son châtiment. Et donc celui qui fait ça, il est sur la menace d'un châtiment venant d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Aussi celui qui fait ça, il se prive de la guider. Car Allah tabaraka wa ta'ala nous dit concernant ceux qui font ça, il nous dit Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Et certes, Allah ne guide pas les peuples qui transgressent. Et donc celui qui fait ça est un transgresseur. Celui qui fait cela est un transgresseur et il se prive de la guider venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur rahimahullah qui nous cite un autre hadith, qui cite un hadith qui nous dit an anasin anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in akhraja. Et donc il nous dit, rahimahullah, selon Anas, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun d'entre vous n'aura la foi tant que je ne serai pas plus aimé pour lui que son père, son fils et que tout le monde. Akhrajah, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et donc on comprend encore une fois, barakallahu fikoum, que nous devons faire prévaloir l'amour d'Allah et de son messager. Pourquoi est-ce qu'ici il y a un problème à aimer le messager? Parce que là on parlait d'adoration, le fait d'aimer Allah. Est-ce qu'ici il y a un problème, est-ce qu'on va dire aimer Allah et son messager? Est-ce que c'est du polythéisme? Ah non. Pourquoi? Par rapport au fait que Allah lui a transmis la révélation et que nous on se fie à ce que fait. Et donc le messager, tu l'aimes parce que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a envoyé. Parce qu'il est venant d'Allah tabaraka wa ta'ala avec ce message. Mais en sachant que la base, c'est l'amour d'Allah. Et celui que tu aimes le plus, c'est Allah, tabaraka wa ta'ala. D'accord? Ça, c'est important. Et tu aimes le messager d'Allah, c'est celui parmi les créatures que nous devons le plus aimer. Celui parmi les créatures que nous devons le plus aimer, c'est le messager d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais cet amour que tu as pour Allah, est-ce que c'est un amour du cœur ou alors c'est un amour du cœur qui se voit sur les membres? Si tu aimes Allah, il y a quelque chose que tu dois faire. Oui, c'est le messager. Voilà. Et donc dire hey, j'aime Allah, j'aime Allah, j'aime Allah, c'est facile, n'importe qui peut dire ça. N'importe qui, même nos enfants. À partir du moment où ils ont la capacité de parler et de comprendre, tu leur dis, est-ce que tu aimes Allah? Il va te dire oui. Oui, j'aime Allah. Et donc, ça, on peut tous le faire, dire j'aime Allah. Même un non-musulman, tu lui demandes, est-ce que tu aimes Allah? Il peut te dire oui, j'aime Allah. Mm. Mais est-ce que cet amour, il est sincère? Comment est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire si tu aimes Allah? Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Dites, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Alors suivez-moi. C'est ça la base. La base, si tu aimes Allah, tabaraka wa ta'ala, tu dois suivre le messager d'Allah. Tu ne peux pas te dire que tu aimes Allah, tabaraka wa ta'ala, et tu suis des déviances. Tu ne suis pas le messager d'Allah. Tu suis des bid'ahs, etc., etc., etc. Si tu aimes Allah, tabaraka wa ta'ala, tu suis son messager. Tu suis son messager. Ensuite, l'auteur qui nous dit « Walahuma » est rapporté par les deux. Donc toujours, Al-Bukhari et Muslim. « Anhu » selon lui. Et donc selon lui, toujours, ça sera Anas, radiyallahu anhu. « Kol » qui nous dit « Kol à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Il y a que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a trois caractéristiques que si elles sont réunies chez une personne, alors celui-ci aura trouvé le délice de la foi. Masha'Allah, le délice de la foi. Hein? Quand on entend parfois les soufis qui nous parlent du délice de la foi, je suis allé en Inde, j'ai pleuré, etc., tellement c'était fort. Taïm, qu'est-ce que la foi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de la foi, le délice de la foi. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses caractéristiques, an yakuna Allah ou an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Que Allah et son messager soient plus aimés pour cette personne que quiconque. Que Allah et son messager soient plus aimés pour cette personne ou chez cette personne que quiconque. C'est ça le délice de la foi. C'est pas que tu voyages en Inde, que tu vois les gens qui crient Allah, Allah, Allah, ou, et que tu penses que ah, t'as la foi qui est montée. Le délice de la foi, que tu aimes Allah et son messager plus que toute autre chose. Que lorsque tu vois quelque chose qui fait partie des causes de la satisfaction d'Allah et de son messager, basé sur les textes du Coran et de la Sunna, tu aimes cela. Si tu vois quelque chose qui n'est basé sur aucune preuve venant du Coran ou de la Sunna, tu n'aimes pas cela. C'est ça le délice de la foi. Que Allah et son messager soient plus aimés pour cette personne que quiconque d'autre. Ensuite, il continue ça, sallallahu alayhi wa sallam. An yuhibba al-mar la yuhibbahu, la yuhibbuhu illa lillah. Masha'Allah. Qu'il aime un homme ou qu'il ne l'aime pas, mais lorsqu'il le fait, c'est que pour Allah. J'aime un tel, c'est pas pour son argent, c'est pas parce qu'il m'aide, ou c'est pas parce que, machallah, quand j'ai mal, il vient, il me fait des massages, etc., etc. Si j'aime un frère, c'est pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Parce que c'est un frère qui cherche les causes de la satisfaction d'Allah. Parce qu'il aime son Seigneur, il veut se rapprocher de son Seigneur. Il aime le Coran et la Sunna. Il ne penche pas vers les déviances, vers les innovations, vers le polythéisme, vers le péché. Et voilà pourquoi on aime un tel. Et donc lorsque tu aimes quelqu'un, c'est lillah, c'est pas pour son argent, parce qu'il te rend service, ou ci, ou ci, ou ça. Ensuite il continue, sallallahu alayhi wa sallam. أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Et donc cette personne déteste retourner vers la mécréance après que Allah l'en ait sauvé, de la même façon qu'il détesterait être jeté dans le feu. Et donc cette personne va faire toutes les causes pour être sauvée du feu. Elle va faire toutes les causes. Si on lui dit que telle et telle chose c'est une déviance, elle ne va pas s'accrocher aveuglément sur cette chose, mais elle va chercher. Est-ce que effectivement c'est une déviance ou pas? Quelles sont les preuves du Coran et de la Sunna? Parce qu'elle ne veut pas être jetée dans le feu. Elle veut la vérité. Si on lui dit attention, cela est interdit, elle va chercher les preuves. Oui, c'est interdit, alors je délaisse cela. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas être jetée dans le feu et qu'elle va faire prévaloir l'amour d'Allah et de son messager. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous cite une parole d'Ibn Abbas. Il finit ce chapitre avec cette parole d'Ibn Abbas, radiallahu anhumah. Qui dit Man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa aada fillah fa innama tunalu wilayatullahi bidhalik wa lam yajid abdun ta'ma al-imani wa in kathurat salatuhu wa sawmuhu hatta yakuna kadhalik. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير. Ici, cette parole d'Ibn Abbas, du moins attribuée à Ibn Abbas, même si il y a dans la chaîne de transmission quelques faiblesse, mais cette parole elle est correcte, sauf qu'on ne peut pas l'attribuer à Ibn Abbas. Celui qui aime pour Allah, qui déteste pour Allah, donc quand tu aimes quelqu'un ou quelque chose, c'est pour Allah. Quand tu détestes quelqu'un ou quelque chose, c'est pour Allah. Celui qui va choisir ses alliés pour Allah en se basant sur les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui va avoir de l'animosité pour Allah, c'est-à-dire par la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala. De l'animosité par la cause d'Allah, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas tes alliés, comment est-ce que tu fais pour choisir ceux qui sont tes alliés et ceux qui ne sont pas tes alliés? Tu te bases sur la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit fa innama tunalu wilayatullahi bidhalik. Et donc le fait d'être allié d'Allah, cela tu peux l'atteindre par cette méthode, le fait d'aimer pour Allah, de détester pour Allah. C'est comme ça que tu deviens un allié d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et aucun serviteur ne goûtera au délice de la foi même s'il a beaucoup de prières et de jeûnes, tant qu'il n'aura pas fait cela. Parce que ça, il faut comprendre, c'est la base de la religion. L'amour. Le fait que tu aimes Allah, c'est la base de la religion. Et donc le fait que tu aimes Allah, ça entraîne le fait que tu aimes ce que Allah aime. Et que tu n'aimes pas ce que Allah n'aime pas. Et tant que tu n'auras pas cela, tu n'auras pas goûté aux délices de la foi, même si tu pries beaucoup et tu jeûnes beaucoup. Parce que la base de la foi, c'est l'amour d'Allah. Et donc, vu que tu aimes Allah, tu dois aimer ce que Allah aime et détester ce que Allah déteste. Ensuite, il dit, et certes, la majorité, la plupart des fraternités que les gens adoptent, donc là, le fait de s'aimer, d'être frère, etc. La majorité, donc, des formes de fraternité que les gens adoptent sont pour des sujets mondains. Hein? Mon frère, hein, comme on a ici en Martinique, le fait que beaucoup de personnes ils s'appellent frère parce qu'on est des noirs. Hein? Mon frère, ça a dit à vos frères, etc., etc., parce qu'on est des noirs. Et lorsqu'il arrive sur un blanc, il ne va pas lui dire frère. Sur des sujets mondains. Et donc certains vont appliquer une fraternité qui est basée sur un sujet mondain. Beaucoup de personnes font cela. En islam, nous n'avons pas ça. Cette fraternité basée sur des sujets mondains. Que ce soit par rapport à la couleur de la peau, que ce soit par rapport à la richesse ou la pauvreté, que ce soit par rapport à autres caractéristiques, nous n'avons pas cela. La fraternité est basée sur l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Elle est basée sur l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est ainsi que nous devons faire. Nous aimer mutuellement parce que l'autre aime Allah, tabaraka wa ta'ala, et son messager. Et ensuite il dit, et tout cela ne leur est pas profitable. C'est-à-dire cette fraternité pour des sujets mondains, cet amour qu'ils ont entre eux pour des sujets mondains, tout ça, tout cela ne leur est pas profitable. Rapporté par Ibn Jarir. Pourquoi ça ne leur est pas profitable? L'auteur, subhanallah, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, l'auteur, il nous cite tout de suite après un élément qui nous montre, mais pourquoi cet amour qu'ils ont entre eux ne leur est pas profitable? Le dealer qui aime son ami dealer, il s'aime entre eux, il se check, book moins, etc., etc. Cet amour qu'ils ont entre eux ne leur est pas profitable. Le riche, ou je ne sais pas quoi, ou le noir, ou l'arabe, ou le blanc, ou n'importe quel raciste qui a un amour pour un autre qui est raciste comme lui, pourquoi cet amour ne leur est pas profitable? Il nous cite l'auteur, rahimahullah, wa qala Ibn Abbas. Ibn Abbas, il a dit, concernant la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa taqatta'at bihimul asbab. Et donc, quand Allah tabaraka wa ta'ala elle dit et que elle esbeb sera rompu entre eux. Yarhamukallah. Elle esbeb qu'il y a entre eux sera rompu. Ibn Abbas il explique le mot elle esbeb en disant elle mawadda, l'amour. Et donc l'amour sera rompu entre eux. Qu'est-ce que c'est que cela? Ici, c'est par rapport au verset où Allah tabaraka wa ta'ala, le verset qu'on a vu au début du livre, au début de ce chapitre, « Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhaba anna al-quwwata lillahi jami'a. » Et si les injustes, lorsqu'ils verront le châtiment, donc lorsqu'ils verront le châtiment, et que toute la puissance est à Allah tabaraka wa ta'ala, wa anna al-quwwata lillahi jami'a, toute la puissance appartient à Allah, lorsqu'ils verront cela, et que Allah est dur en châtiment, lorsqu'ils seront devant le châtiment, les injustes, qu'est-ce qui se passera? إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Lorsque ceux qui ont été suivis, les leaders, le leader du clan, du groupe, le fondateur de la secte, ou ce que tu veux, lorsque les leaders, lorsque ceux qui ont été suivis se désavoueront de ceux qui les ont suivis devant le châtiment, ils vont se désavouer devant le châtiment. Lorsque le châtiment arrive, ah non, chacun pour soi. Ils vont se désavouer l'un de l'autre. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Et l'amour qu'il y a entre eux sera coupé, rompu. À quoi vous sert votre amour maintenant? Cet amour que vous avez ici-bas, dans la désobéissance à Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le suivi du polythéisme ou des bidas, à quoi il vous sert? À quoi ça te sert d'aimer ton cher lorsque ton cher il t'amène dans des déviances? Lorsque ton cher, il t'appelle à faire ce qu'Allah n'a pas demandé de faire, à quoi ça te sert de l'aimer? Si c'est pour arriver devant le feu et se retrouver dans telle situation, que chacun se désavoue de l'autre, parce qu'il n'y a plus d'amour entre vous, parce que maintenant c'est chacun pour soi, parce qu'on a peur du feu. Et donc c'est un amour qui n'est pas utile et qui n'est pas profitable. Tout amour qui amène à la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala est un amour qui est néfaste et dont nous devons nous débarrasser. Voilà pourquoi nous devons comprendre, ô chers frères, que nous devons purifier notre cœur de tout amour néfaste. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et la semaine prochaine, encore un chapitre très important concernant la peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Waffaq Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.